Chapitre 30. De Saratov à Moscou, en chemin de fer. Tambov et ses jardins. Les terres noires. Les gouverneurs de province. Un baptême de nobles. La cérémonie. Honoraire au pope. Une anecdote. Les relevailles. Les serviteurs tatars. Arrivés à Moscou. Tout en maugréant contre le brouillard et contre le vent, qui allait bientôt geler le Volga, je dus prendre mon parti en brave. Une résignation apparente cachait mon désappointement d'être privé des grands spectacles qui se déroulent sur ses rives. En revenant de l'Asie, tout me parut bien terne et bien morne en Europe. Notre civilisation hautaine se plaît à dénigrer son berceau. Elle trouve peu à apprécier dans l'ancien monde resté stationnaire pendant qu'elle poursuit son progrès. Fière de sa supériorité, l'Europe oublie qu'elle doit ses premiers pas à l'Asie. Lorsqu'on s'est acclimaté en Orient, qu'on s'est familiarisé avec ses habitudes, ses idées, ses mœurs, on est tout étonné de quitter ce pays avec les mêmes regrets que ceux qu'on avait primitivement en s'éloignant de l'Europe. Jeté contre mon gré dans un wagon par une brumeuse journée de novembre, je rêvais au beau soleil d'Asie. La vue des parapluies ruisselants, vaine précaution contre l'averse furieuse, me fit l'effet d'une nouveauté. Depuis longtemps, je n'étais plus habitué qu'à voir de grandes ombrelles servir contre les rayons du soleil. Tout paysage voilé par la pluie est triste, mais combien l'est plus encore le steppe? Quelle mélancolie sans fin! Voir fuir pendant des heures entières des plaines inondées sans le moindre repos pour le regard invite au sommeil, surtout s'il remplace l'ennui de la réalité par des rêves riants. Lorsqu'on peut dormir, une nuit en chemin de fer n'est pas une fatigue. Heureux ceux pour qui le bercement du train en marche est un narcotique. Il leur évite le bruit peu agréable des fanfares nasales de leurs compagnons de route. Les wagons russes sont les plus confortables de l'Europe. Supérieurs aussi sont l'organisation et le service aux stations principales. Maussade, à mon départ de Saratov, je m'éveillais gaiement le lendemain, ébloui par le soleil du matin qui éclairait la riante ville de Tambov, surgissant fraîche et pimpante du milieu de ses bosquets fleuris. Les rayons d'automne ont souvent un éclat qui ravive la nature, tel le sourire illuminant un beau visage dont la jeunesse a déjà fui. Une promenade matinale à Tambov est une vraie partie de plaisir. Chef-lieu d'une province où la noblesse est très riche, cette jolie ville compte à peine un siècle et demi d'existence. Avant le règne de Pierre le Grand, c'était un lieu de déportation. Ses annales ne sont pas riches en faits saillants. Jardins, vergers, greniers sont toute son histoire. Les environs abondent en fleurs, fruits et céréales. C'est un centre de culture par excellence. Une terre noire des plus fécondes. Note, on donne le nom de terre noire aux terrains les plus fertiles en blé, chanvre et lin. Fin de note. Les rues de Tambov, bien pavées, sont bordées d'élégantes maisons, parmi lesquelles les plus coquettes sont celles bâties en style russe. Ces établissements publics, ces églises pourraient embellir des cités plus importantes. Pendant la bonne saison, il y a une grande animation, surtout à l'époque du marché aux chevaux. Comme aux étapes précédentes, l'occasion m'avait été donnée de voir des intérieurs de la classe moins aisée. Je voulus profiter du temps qui me restait à passer à Tambov pour connaître aussi quelques familles opulentes du pays. Munie d'une lettre pour le gouverneur de la province, je n'eus aucune difficulté et toutes les portes me furent ouvertes. Bien que ces fonctionnaires ne soient plus aussi arbitraires qu'autrefois, ils sont toujours une puissance avec laquelle il faut compter. Il y a quelques années, et encore, à l'époque où la Russie était divisée en 49 gouvernements, représentés par autant de gouverneurs, ceux-ci formaient une légion de petits souverains autocrates dont les actes et les décisions n'étaient nullement contrôlés. Note 49 gouvernements. Actuellement, l'Empire renferme 61 gouvernements ou provinces, y compris ceux qu'on a formés de la Pologne. Dans ce nombre ne sont pas comptés le territoire des Cosaques du Don, le Grand-Duché de Finlande et le Caucase. Fin de note. Libre à eux alors d'arrêter, de punir, voire même d'exiler ceux qui avaient encouru leur mécontentement. Heureusement, les temps ont changé et actuellement leur autorité est bien plus limitée. Pour l'étranger désireux de connaître en détail les mœurs intimes du pays, l'appui du gouverneur de la province est fort utile. Quant à moi, j'ai eu tout lieu de me louer de la courtoisie de ses fonctionnaires et c'est même grâce à l'un d'eux que j'eus la bonne fortune d'assister à un baptême chez une famille de la haute noblesse de Tambov. Lorsque vers midi, j'arrivai dans leur élégante demeure, je fus introduit dans un salon spacieux, transformé en chapelle et éclairé par plusieurs cierges. Au milieu de la salle se trouvait une table recouverte de dentelles et ornée de saintes images. Des cierges brûlés dans de beaux candélabres. Devant la table était posé sur un tapis un haut et riche bassin baptismal en argent avec pieds appartenant à la cathédrale de la ville. Au bord du bassin étaient rangés trois cierges. Deux popes, deux diacres et un lecteur étaient groupés près des fonts baptismaux. Derrière ces ecclésiastiques se tenaient le parrain et la marraine portant chacun un cierge. Note, par le fait seul d'avoir tenu un enfant sur les fonts baptismaux, le parrain et la marraine sont considérés proches parents et ne peuvent pas se marier ensemble. Dans la classe supérieure, un enfant a souvent plusieurs parrains et marraines. En ce cas, pendant la cérémonie du baptême, le nouveau-né est porté tantôt par l'une, tantôt par l'autre de ses marraines. Fin de note. Puis venaient la famille et les amis. Le père et la mère n'assistent jamais à la cérémonie du baptême. La marraine, fort jolie et très jeune, portait l'enfant dans ses bras. À côté d'elle était la nourrice, robuste paysanne, vêtue du costume national. La couleur bleue, dominante dans sa toilette, indiquait que l'enfant était un garçon. Le rose est adopté quand c'est une fille que l'on baptise. La cérémonie, fort longue, commença par des prières et la bénédiction de l'eau, dans laquelle le pope plonge à trois reprises un crucifix et termine en faisant le signe de la croix au-dessus des fonts baptismaux. Après, on lui présente l'enfant complètement nu. En le prenant, il prononce des paroles d'exorcisme, souffle sur lui pour chasser le démon, demande au parrain et à la marraine s'il croit en Dieu et renie Satan. Sur la réponse affirmative, il ajoute « Crachons sur le démon !» Tous trois crachent et soufflent. Ensuite, le prêtre plonge trois fois l'enfant dans l'eau bénite, prononce le nom qui lui est donné et dit « Tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Note, dans la classe élevée, le baptême a souvent lieu lorsque l'enfant a déjà plusieurs mois. Si l'enfant est maladif, on le baptise plus tôt. Les popes ont une manière spéciale de plonger le nouveau-né dans l'eau. Ils prennent la tête entre les doigts en serrant les narines et en bouchant les oreilles afin d'empêcher l'eau d'y entrer. À cause de quelques rares accidents, il y a des localités où, au lieu d'être immergé, l'enfant est aspergé. Fin de note. Il remet le nouveau chrétien entre les bras de la marraine qui tient des langes prêts pour le recevoir. Note, l'usage religieux exige que la marraine offre à la mère plusieurs mètres d'une étoffe blanche, symbole de la pureté que l'enfant a acquise par le sacrement du baptême. Elle fait encore d'autres cadeaux à son filleul et à la mère. Fin de note. Le prêtre alors commence l'onction baptismale. Avec une petite croix en or qu'il trempe dans l'huile sainte, il touche le front, la poitrine, les oreilles, les mains et les pieds du baptisé, puis essuie aussitôt ses parties. Note, cette huile sanctifiée par le patriarche de Constantinople est employée dans toutes les églises orthodoxes de la Russie. Fin de note. Finalement, il lui met une croix au cou. Note, la croix est généralement offerte par le parrain. Les fervents orthodoxes portent cette croix durant toute leur vie comme protection contre la mauvaise fortune. Fin de note. Les prières générales pour le jeune chrétien, prières auxquelles se joignent les chants et l'encens, contribuent à la solennité et terminent la cérémonie. Lorsqu'un baptême a lieu chez des gens aisés, c'est toujours une bonne aubaine pour le prêtre qui parfois reçoit 300 roubles d'honoraires pour la célébration de la cérémonie. Note, 300 roubles d'honoraires, un millier de francs environ. Fin de note. Le pope est en général bien vu de ses paroissiens. Riches et pauvres lui donnent le nom amical de Batouchka. Note, Batouchka répond à père. Dans les familles de la bourgeoisie et chez les paysans, les enfants appellent ainsi leur père. Fin de note. Généralement, les paysans apportent chez le prêtre leur nouveau-né le lendemain de sa naissance pour le faire baptiser. Comme ils tiennent à ce qu'ils reçoivent le sacrement du baptême le plus tôt possible, ils endurent le froid, la pluie et, par tous les temps, vont souvent très loin pour le conduire au presbytère, ordinairement fort misérable. Si le pope est compatissant, il prépare le samovar et attend que l'eau soit tiède pour y plonger l'enfant. Note, la traduction littérale du mot samovar est « bouillir par lui-même ». Fin de note. Si au contraire le prêtre est un homme brutal, il immerge l'innocente créature dans de l'eau glacée, sans se soucier de ses cris perçants ni du grelottement de son pauvre petit corps. Les suites de cette immersion sont souvent fatales et on prétend que dans les campagnes, beaucoup d'enfants meurent après avoir été baptisés si rudement. Les honoraires que les paysans payent au pope pour le baptême varient de 4 copeiques à 1 rouble. Note, à peu près de 10 centimes à 2 francs 50. Fin de note. De plus, il lui offre un ou plusieurs mouchoirs en coton colorié de la valeur de 30 centimes la pièce. Une dizaine d'œufs, un coq si le nouveau-né est un garçon et une poule si c'est une fille. Note, en Russie, on compte les œufs par dizaines. Fin de note. C'est toujours la marraine, accompagnée du parrain, qui présente l'enfant au pope du village. On me raconta qu'à Mikhailovka, localité rurale, dans le gouvernement de Kherson, une marraine atteinte de surdité, en recevant son filleul de ses mains, quel nom il lui avait donné ? « Il se nomme Ivan, » répondit le pope. La marraine, n'ayant pas entendu, réitéra plusieurs fois sa demande sans saisir le nom. Enfin, le pope, impatienté, lui cria dans l'oreille « Otchapis », mot petit russien qui signifie « Fiche-moi la paix ». La sourde, qui cette fois avait très bien compris, remercia respectueusement le Batouchka de lui avoir dit le nom de son filleul et l'emporta. Arrivée chez la mère, celle-ci demanda « Quel nom Batouchka a-t-il donné à mon fils ?»« Otchapis !» répondit aussitôt la marraine. « Oh, c'est un fort joli nom !» L'enfant conserva ce nom. Arrivé à l'âge nubile, lorsque le jeune paysan voulut se marier, il demanda son extrait de baptême, mais il fut impossible de trouver le nom Otchapis dans aucun des registres de la paroisse du village. Le plus souvent, les paysans donnent à leur enfant le nom du saint dont on célèbre la fête le jour de leur naissance. Dans toutes les classes de la société, il est d'usage que 6 semaines après la naissance d'un enfant, la mère informe le pope qu'elle ira à l'église pour faire ses relevailles et présenter le nouveau-né. Le prêtre l'attend à la porte de la sainte demeure dont l'entrée lui est interdite avant qu'il n'ait dit la prière de la purification. Cette prière terminée, il prend l'enfant des bras de la mère et le porte vers l'iconostase. Si c'est un garçon, il pénètre avec lui dans l'intérieur du sanctuaire et le présente devant les saintes images. Si c'est une fille, il accomplit cette cérémonie à l'extérieur de l'iconostase sans entrer dans l'endroit où se trouve l'autel. Le jour du baptême à Tambov se passa fort agréablement pour moi. Après la cérémonie, un excellent repas auquel assistèrent les ecclésiastiques fut servi. Dans la soirée, un grand nombre de connaissances vinrent féliciter les parents. On fit de la musique, on causa, mais le jeu attira la plupart de ceux qui faisaient partie de la société. Les cartes, on le sait, jouent le rôle principal dans toutes les réunions en Russie. Un souper aussi copieux qu'un dîner termina cette fête de famille. Je remarquai avec étonnement que les domestiques étaient tous des Tatars, descendants de ceux qui furent les maîtres des provinces de la Russie baignées par le Volga. Si des haines vivaces existent toujours au fond du cœur de ces musulmans vaincus par des chrétiens, ils ont soin de cacher ces sentiments hostiles et ils servent leur maître avec beaucoup de zèle et de fidélité. Leur probité et leur sobriété exemplaire sont tellement reconnues que les familles russes emploient de préférence des serviteurs tatars plutôt que des chrétiens de leur nationalité. Après avoir vu tout ce que Tambov offre de plus marquant, je repris ma route vers Moscou. De Tambov à Moscou, la courte voie ferrée est exploitée par 3 compagnies. Sur ce trajet, le pays est fertile, alterné de bois de pin ou de sapin et de champs arrosés de nombreux cours d'eau, bordés de gais villages. La végétation septentrionale y étend à perte de vue ses vertes sapinières, lors même que la nature en deuil est dépouillée de toute parure. Les bourgs respirent l'aisance, de nombreux troupeaux paissent dans de riches pâturages. Les campagnards, à mine réjouis, semblent heureux de ne manquer de rien. L'absence de soucis agit sur le caractère et le bonheur rend meilleur. En voyant de près ces simples villageois, je dus m'en convaincre. Aux approches de l'ancienne capitale d'Exar, on aperçoit de beaux châteaux, de jolies villas, séjour des moscovites pendant la belle saison. Les abords de la grande ville s'annoncent de loin par la population échelonnée dans son voisinage qui s'agglomèrent de plus en plus. Moscou a aussi sa ceinture alimentaire. Ce sont les habitants extramuros, sentinelles, avancées, qui veillent, sinon à la sûreté de leurs concitoyens intramuros, du moins à une partie de leur entretien journalier, les fournissant abondamment de vivres. Cette banlieue franchie, on arrive au faubourg nouveau de l'antique métropole où s'élèvent plusieurs gares grandioses. En descendant de wagon, je me vis entouré de nouveau de tous les signes de la civilisation occidentale. Mon retour à Moscou était l'heureux couronnement de mes excursions dans les steppes. Fin du 30e chapitre et fin du livre de Carla Serena, Seul dans les steppes, épisode de mon voyage au pays des Kalmouks et des Kirghizes.